بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المقتنيكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، فاليوم on va compléter le livre ou plutôt le باب du غسل إن شاء الله. آخر درس. قال في الحديث السابع عشر بعد المئة وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان تلتقي. Donc dans le 117e hadith, selon Aïcha, qu'elle dit que je me lève et moi en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nos mains se mélangeaient dans un seul récipient de la janaba. C'est-à-dire en janaba et tous les deux, nos mains se mélangeaient dans le récipient. Et le hadith est muttafaqun alayh. Et Taltaqi, de le rajout de Ibn Hibban, c'est se rencontrer. C'est-à-dire, nos mains se rencontraient. Et l'ajout est authentique. Donc il dit mas'alatun. تطهر الرجل مع امرأتي من إناء واحد. Le fait qu'un homme et une femme se purifient ensemble d'un même récipient. Donc le Nawawi, dans Sharh Muslim, il dit que cela est permis avec ijma' des muslimines. Que l'homme et la femme se lavent ensemble. Et également, cet ijma' a été apporté par Al-Tahawi ou Al-Qurtubi. Et malgré cela, Al-Hafiz a rapporté selon Ibn Abdul Barr. Ibn Abdul Barr a rapporté qu'il y avait khilaf en fait dans la masala. C'est-à-dire l'ijma, il n'est pas authentique, quoi qu'il en soit. C'est la parole authentique, c'est celle-là. C'est que c'est permis pour. On est pris dans le masala du. L'eau, Fadl al-Ma. Tu te rappelles? Que l'homme fasse l'eau d'eau avec l'eau de la femme, ou la femme le. C'est quoi qu'on avait dit, le khulasa? C'est qu'en fait, ils peuvent prendre la même eau, sauf celle qui est tombée. Voilà, c'est ce qui a été utilisé. Et même s'il l'utilise, l'eau est valide, seulement c'est pas permis de le faire. Et ce qui est voulu dans le hadith qui l'autorise, c'est l'eau qui restait, qui n'a pas été utilisée. Car les deux, on les appelle fadl. Non, donc ça c'est lié avec aussi. Taïb. Donc ça c'est tout ce qu'il a cité dans ce hadith. Après il dit, « الحديث الثامن عشر بعد المئة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنكوا البشر وأنكوا البشر. رواه أبو داود الترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول. Donc dans le 119e hadith son Abu Huraira que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit qu'il y a une janaba sous chaque cheveu. D'accord, donc laver les cheveux et atténuer la peau. طيب سؤال أولا. قال إن تحت كل شعرة جنابة. C'est quoi l'arab de جنابة؟ إن تحت كل شعرة جنابة. C'est quoi l'arab de جنابة؟ إن تحت كل شعرة جنابة. ما إعراب جنابة؟ كل منصب جنابة. إن تحت كل شعرة جنابة. خبرنا؟ ما يعرب خبرنا؟ خبرنا مرفوع. تقول إن زيدا قائم. خبرنا مرفوع. وكما لمنصب. خبر إن مرفوع. فأنت كفوك خبر كان. جميل كما منصب. أما خبر إن وخواتها مرفوع. دونك إيه با خبر إن. كيلي كوا. Inna tahta kulli sha'ratin janabatan. Ah, c'est sifa, c'est une sifa. Sifa de hesh. Charles, là, il est moudaf ilayhi de kull. Il est majrour. Comment l'autre, il vient mansoub derrière? Inna tahta kulli sha'ratin janabatan. Ma i'arabu janabatan. Pourquoi il est mansoub? Chauffe, tu as chauffe, peut-être à t'aider à ce que tu visionnes. Il n'y a pas de lien entre Tahta et Janabatan. Ah, là, c'est le sujet. Ma oui, Arabe, Janabatan. C'est un zèque. Ah, si, vas-y. T'as quoi, Allahu A'lam? Ah, est-ce que là, ça se mélange? Tayyib, Inna, ma amel Inna. Qu'est-ce que tu fais comme travail Inna? تنصب الاسم وترفع الخبر اللي هو اسم إنا تحت تحت ظرف donc il prend le maqam du khabar يعني شبه الجملة donc il est où le اسم إنا جنابة en fait le sens est إنا جنابة تحت كل شعرة تمام. Et là, tu m'as fait penser à un truc que j'ai vu dans le Camus Larousse, le Camus Larousse. Une chose qui m'a subjugué. C'est dans le, la définition de A'lam. Dans le mot ilm. Ayn, lam, mim. La madda, ilm. Ils sont tafdil A'lam. Ils ont mis l'exemple Allahu A'lam. Tu sais comment ils ont traduit Allahu A'lam? Dans le Larousse, hein, je l'ai chez moi. Ils ont mis plusieurs suppositions, plusieurs suggestions, ils en ont mis une d'entre elles. Et elle était vraiment, mais... C'est clair, ce qui fait de la roue, c'est un kafir, tu vois. Et en plus, un imbécile. Un insolent. Quoi? Un safi. Non, non, non. Il a mis Allahu A'lam, traduction, je donne ma langue au chat. Au chat? Au chat. Il a osé mettre, je donne ma langue au chat. Traduction de Allahu A'lam. Je dis, bah toi, t'as tout compris. On demande à Allah que le chat mange ta langue. Toi qui as écrit ça. Ta langue et tes mains et tes pieds et tout. Tout ton corps. Tu sais pas de l'insolence ça, mon frère? Quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Je vois Allah A'lam, je donne ma langue au chat. Non, mais il se paye la tête déjà ou quoi? Il sait ça dire quoi Allah, il sait ça dire quoi A'lam. Il connaît les deux mots. Il peut pas dire Allah est plus savant. Je crois qu'il l'a mis. Et après, il l'a dit également dans le sens, je donne ma langue au chat. Genre, c'est une devinette, tu vois. En gros, il met des talarodates pour... Non, pour dire, genre, dans le sens, nous, en français, on dirait, c'est comme si on disait, je donne langue au chat, tu vois. Genre, je sais pas, quoi. Bah, que le chat mange ta langue. C'est ça qu'on demande à Allah, ce là que le chat mange ta langue. Ta langue, tes yeux, tes oreilles, ton nez, tout. Amin. Je sais plus comment il s'appelle, Daniel, je crois, ou je sais plus quoi. Pareil. Donc, pour revenir à ça, il dit, Hukmu Rusl Ma Istar salam in ash-sha'r, le fait de laver tout ce qui dépasse des cheveux, c'est-à-dire les cheveux longs par exemple. Tamam. Donc il dit dans le sujet, il y a deux paroles. Première parole, que cela est obligatoire. Tamam, c'est le massage de Shafi'i et d'autres. En se servant comme preuve de ce hadith, celui de Abu Huraira, celui de Aisha. Et également d'une parole de Ali. Un hadith de Ali, radio anhu, chez Abu Daoud, قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضوع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا. قال علي فمن ثم عديت شعري قال وكان يجزه. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit celui qui délaisse une partie de ses cheveux sans que l'eau ne l'atteigne, il sera fait telle et telle chose dans le feu. Avec ses cheveux. Donc Ali l'a dit de là, je me suis mis à couper mes cheveux et il les rasait, je crois. Parce qu'il avait les cheveux longs, apparemment, comme j'ai demandé tout à l'heure à Sherpat. Il avait les cheveux un peu longs, donc par crainte, justement, que de pouvoir appliquer ce hadith, il les a coupés ou rasés. Et le hadith, il est daif, de toute façon. Donc ça, c'est la première parole, c'est que c'est obligatoire de le faire. Deuxième parole, que ce n'est pas obligatoire, et c'est la parole des. D'Abu Hanifa et une partie chez les Hanabila, certains disent ça, et également une version chez Malik. Et c'est quoi leur preuve? C'est le hadith de Moussalama qu'on a précédemment. Tamam. Yakfiki, en tahfi la rossiki, salat hafayat, qui te suffit de verser de l'eau sur la tête trois fois. Il n'a pas défaire ses cheveux. Et certains qui ont des cheveux, s'ils sont en tresse, l'eau ne va pas entrer dans le cheveu même. Peut-être qu'elle va atteindre le cuir chevelu, mais dans l'intérieur de la natte, par exemple, c'est des nattes ou des tresses, ou même ses cheveux, ils ont une coiffure spéciale, quand ils sont spéciales, c'est-à-dire bien attachés, des endroits où peut-être l'eau ne va pas atteindre. Mais c'est la Donc ils disent que ce hadith, c'est une preuve qu'il n'est pas obligatoire que chaque cheveu soit touché par l'eau. Ce qui est touché par l'eau, c'est la peau. La peau. Hein, c'est la peau. Donc sa parole est choisie par le shir. Tamam. Après, si tu as quelques masa'il, tamam, liés au, relatifs au sujet, n'étant pas cité dans le livre. Awalan, il se dit, mas'ala min mujibat el rusl el hid wa nifas. Parmi les choses qui rendent obligatoire le rusl, il y a les menstrues et les lochis. Que les ulama, il est important de Nawawi, que les ulama sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de faire le rusl pour une femme qui a eu ses menstrues, pour une femme qui a eu ses lochis. Naam. Et lochis, c'est le sang qui vient après l'accouchement. Taïeb. Ensuite, il dit notre mas'ala. Al-ha'id tartasil il-janaba. Est-ce que la femme qui a ses menstrues doit-elle faire un rusl de janaba? Comment cela aurait eu lieu? Elle a fait un rêve, par exemple. Elle en période de menstrues, elle a fait un rêve dans lequel son mari est sorti. Elle est djunoub. Elle est haïd, elle est djunoub. Est-ce qu'elle, elle doit faire un rousse pour cette djanaba? Tamam. Donc, il rapportait une part de Mnoukoudama qui dit qu'il n'est pas obligatoire pour elle, ou du moins qu'elle n'a pas à le faire tant qu'elle ne s'est pas purifiée de ses menstrues. Après, c'est un plusieurs savants qui vire ce col. Et que si elle le fait, c'est valable. Mais qu'elle n'a pas à le faire. Alors, c'est pas obligatoire pour elle de le faire. Naam. Mais la janaba, si elle le fait, elle est plus junoub. Mais elle est haïd, toujours. Et que le haïd ne cessera tant que le sang continuera à couler et qu'elle ne sera pas lavée. Mais on a dit qu'elle pouvait faire, au final, si son menstru s'arrête, faire un seul rousse pour deux raisons. Elle peut le faire. Naam. Après, il dit Mas'ala al-Majnoun wal-Mughma alayhi hal alayhima al-Ghuslu idha afaqa. Donc, il dit est-ce que le fou, celui qui était pris de démence plutôt qu'a perdu la raison, ou celui qui s'est évanoui, doivent-ils faire le Ghusl s'ils reprennent conscience? Ibn Qudama dit que cela n'est pas obligatoire pour eux. Cela n'est obligatoire que pour celui, par exemple, à qui sera arrivé. Et qui aurait, par exemple, éjaculé lors de son, par exemple, il a été évanoui. Après, dans son évanouissement, par exemple, il s'est endormi. Et il a éjaculé. Ou celui qui a perdu la raison au moment, il est devenu fou. Et je sais pas, il a éjaculé, par exemple, sur quelque chose. Là, on a. Sinon, pour l'évanouissement en soi, et pour la perte de conscience, et pour la folie prise en soi, cela n'implique pas le rousse obligatoirement. Et Ibn Munzir rapportait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il, dans sa maladie avant de mourir, il s'évanouissait, après il faisait le rousse, c'était à la wajh al-istirbab. C'était pas obligatoire. Ça devient obligatoire, on a dit que si par exemple, dans son évanouissement, par exemple il s'est endormi, il a fait un rêve. Et par exemple il éjacule. Nanam. Mais ça c'est une autre cause. Un mal évanouissement en soi, perte de conscience en soi, la folie en soi, n'implique pas le rousse. Après, il dit, Masala al-Junub, il dit, Arada al-Yakul. Celui qui est Junub, s'il veut manger. Est-ce qu'il doit faire le rousl? Il veut manger, par exemple. Est-ce qu'il doit d'abord faire le rousl? Là. Dans le Sahih al-Muslim, qalat, kana, an Aisha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kana Junuban, fa Arada al-Yakul, au Nama, tawadda, wudu'au, lissalah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était Junub et qu'il voulait manger ou dormir, il faisait l'eau. Donc ce hadith démontre que c'est moustahab de faire l'eau, mais que t'es pas obligé de faire le... Parce que des gens, ils croient quand ils sont genoux, c'est, ils sont comme s'ils étaient souillés, genre, quoi qu'ils touchent, c'est pas bon, c'est sale. Ils vont poser toucher une poignée de porte, ils vont, sans la laver, ils vont poser toucher les gens. La janaba, c'est pas un truc qui est mahsous, c'est ma'naoui. C'est pas dans ta main, c'est pas, tu vois. C'est rien qui s'amène pas à ça. Inna al-mu'min la injus, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le wudu est mustahab, pas le ghusl. Après il dit masala ghusl al-idain. Le ghusl pour les deux fêtes du Eid. Ça, c'est une masala sur laquelle il y a eu beaucoup de kalam. Il dit qu'il n'y a eu aucun hadith authentique remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam démontrant qu'il fallait faire le ghusl de ce jour-là. Tout ce qui est venu, tous les hadiths qui ont été cités, yani marfoua, remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sont faibles. Et tous ils sont faibles. Et en portant des paroles de plusieurs serpents là-dessus, ils disent qu'il n'y a rien qui a été authentifié là-dessus. Par contre, des affaires de sahaba, ça a été dit, mais aucun n'amène à l'obligation. Par exemple, il fait rapporter de Ali qu'un homme l'interrogeait à propos du lavage. Il dit, lave-toi tous les jours si tu veux. D'accord? Après, il dit, non, moi j'interroge à propos du rousl de tahar, de purification. Il dit alors à Ali, yom el jumu'a, yom arafat, wa yom el nahr, wa yom el fitr. Tamam? C'est le jour de jumu'a, le jour de arafat, le jour du sacrifice, et le jour du fitr, c'est-à-dire la fin de ramadan. Wa nahr, c'est le jour du Eid. Ça, c'est le col de Ali. Tamam? Également, il faut rapporter dans le Muwatta de l'imam Malik, selon Nafi, selon Ibn Omar, que lui se lavait le jour du fitr, Eid de Ramadan, avant d'aller au Musalla. Au moment où le matin, il faisait le ghusl. Ça même. Donc il n'y a rien remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam démontrant de faire le ghusl, ni obligatoire. Ça même, un obligatoire. Et même pas de mustahab venant de lui. Maintenant, en se basant sur ces deux athars de ces deux grands sahaba, celui qui le fait, là ou zalik. Pas mal. Par contre, si c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait été sali ou quoi, non, il faut qu'il le fasse. Pour arriver à être propre sur lui, sentir bon et tout. Ne pas déranger les gens. Comme ce fut la cause, par exemple, une décocité pour le rose du Jumu'ah. Comme dans le hadith de Aïcha. Après, il finit avec une masala qui est ghusl al-ihram. Le fait de faire le lavage lorsqu'il rentre en ihram pour le hajj. En état de sacralisation, comme ils disent. Il fut rapporté par Ad-Darimi et Tirmidhi, selon Zayd ibn Thabit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tajarrada li-ihlalihi wa ghtasala. Que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déshabillé pour le hajj, qui s'est lavé. Également, il fut rapporté de sources authentiques par l'imam al-Bazzar, donc al-Chef al-Astar, dans le hadith de Ibn Omar, et que Shammoubi l'a authentifié dans Sahih al-Musnad, qu'il est dit, « Min sunnati an yaghtasila al-muhrim iza arada an yahrum » que fait partie de la sunna que le muhrim fasse le ghusl lorsqu'il rentre dans son ihram. Et après, il apporte une parole de Nawawi qui dit qu'il est mustahab. D'accord? Il est mustahab. Que les ulama disent ils sont unanimes qu'il est mustahab pour celui qui rentre en ihram, pour le hajj ou la umra, ou pour les deux ensemble, quand même, à partir du miqat shari, ou autre, que ce rôle ce n'est pas obligatoire. Il lui rapporte qu'il y a ijma, que ce n'est pas obligatoire. Juste une sunna mu'akkada, une sunna affirmée. Et il dit yukrah tarkuha, que lui voit que le fait de délaisser c'est makruh. Mais le karaha tartaj al dalil. On a dit karaha tartaj al dalil. Il faut une preuve pour dire que c'est makruh. Et ça, c'est une parole dite par Al-Shafi'i, dans l'Oum. « Wa attafaqa alayhi al-ashab » sur lesquels les partenaires sont unanimes. Quand il dit l'ashab, il veut dire qui? Qui il vise quand il dit l'ashab? Al-Nawawi. Il vise les Shafi'ites, tous les ashab du madhab. Parce que c'est un Shafi'ite, comme on a dit. Et des fois, un petit peu trop. Hein. Comme il l'a dit ce matin, cher Fath, qu'il a appelé le Ammi, il a dit quoi? Il est interrogé, qui doit-il suivre? Qui doit-il imiter? Tu vois? Il a dit, le premier parmi les gens du Mazhab, c'est l'imam Abu Hanifa, qui a rassemblé les fatawas des Sahaba ici et là, les Aqwal. On a fait des règles. Après, l'imam Malik il est venu après. Il a fait pareil que lui, en prenant en plus ce que Abu Hanifa a fait, donc il a encore plus décortiqué les sujets. pour ressentir des règles encore plus claires et plus fortes. Il y a après Shafi'i qui est venu, qui a rassemblé par les sahaba et qui a pris des règles de Abu Hanifa, de l'imam Malik. Donc il est venu après eux, il a pu bien regarder tout ce qu'ils ont fait comme travail et faire quelque chose d'encore plus authentique. Donc il a dit, je conseille au Rami de suivre le mazhab Shafi'i. Parce qu'il était Shafi'i. Et ce matin, j'ai demandé à Sharfat, mais pourquoi il ne cite pas Ahmed? Parce qu'ils leur ont dit, Ahmed sortait un argument contre lui, parce que Ahmed est venu après Shafi'i. Donc le Hanbali, il leur a dit quoi, le Hanbali? Mais l'imam Ahmed, il est venu après, il a pris l'école des Sahaba, après l'école d'Abu Hanifa, après l'école de Malik, après l'école de Shafi'i, il a tout analysé, il a fait des règles encore plus fortes. On ne va pas s'arrêter. Jusqu'à Ibn Taymiyyah, jusqu'à. Tu vois? Il dit, ça ce coule là, tu vois, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Ça c'est un coule, ta'assum. Fanatisme à son madhab. Quand même, malheureusement. C'est ça parmi les conséquences des madhahib, c'est que la plupart de ceux qui s'affilient à un madhab, ils deviennent fanatiques de ce madhab. Malheureusement. Donc après, il dit, il finit par Mas'ala Rusl Dukhul Mekka. Le fait de rentrer à Mekka, est-ce qu'il y a un lavage à faire? Il fait rapporter dans le Sahihayn, le Bukhari Muslim, sur Ibn Omar, Annahu kana la yadkhulu Mekkata hatta yabit bidhi tawi thumma yusbih fa yaghtasil wa yadkhul Mekkata naharan wa yadhkur an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu fa'alahu. Donc il fait rapporter authentiquement d'Ibn Omar que lorsqu'il rentre à Mekka, il ne passait pas la nuit sans qu'au matin il ne se lave. C'est-à-dire il restait à l'entrée de Mekka, il ne rentrait pas. Et le matin il se lavait, il faisait un rousse, et il rentre après à Mekka et disait, après il rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la sorte. Quand même qu'il agissait de la sorte. Donc il rapportait par exemple d'Ibn Mundhir dans le Fath, qui rapportait de lui dans le Fath, qui dit que le fait de se laver pour rentrer à Mekka est moustahab chez tous les savants. Et que celui qui le délaisse n'a aucune expiation à faire. Et ça c'est la parole de la plupart d'entre eux. Et que même s'il fait l'odo, cela est valide. Faire l'odo, quand même, c'est valide. Donc de là, alhamdoulilah, on a fini le bab du rousl. On a dit, c'est quoi les choses obligatoires qui ont le rousl obligatoire? La janaba, le haïd, le nifas, le jumu'a. Quand même. Et la janaba sont dans les rapports ou les rêves. À partir du moment où les rapports, c'est-à-dire qu'il y a eu pénétration ou pas, à partir du moment où il y a une éjaculation ou pas, à partir du moment où il y a pénétration, c'est obligatoire. Maintenant, il n'y a pas de pénétration ou d'éjaculation, c'est obligatoire. Quand même, il a même fait un rêve, l'homme ou la femme, le mani est sorti, c'est obligatoire. Le jumu'a, le khilaf qu'il y a eu, ce qu'on est sorti, c'est que c'est obligatoire. Les menstrues, la femme qui se purifie des menstrues, ça lui est obligatoire. La femme qui se purifie de ses nifes, de ses logis, ça lui est obligatoire. Alors cela, c'est ou mustahab ou permis. Ou même ça peut être bid'a, dans certains cas. Les gens qui s'imaginent, là, je fais le rousse pour m'approcher dans l'espace mental, alors qu'il n'y a pas besoin de le faire. Alors quelqu'un dit, tous les soirs au Maghreb, Artasil, ni le rousse, et tatahur. On dit, pourquoi? Akada, takaruba din Allah. On dit, pourquoi tu définis un jour comme ça précis, et tu fais à chaque fois? Là, tu en as la bid'a. Mathalad. Ça va? Taïeb. Fa'ilahuna, walhamdulillah, rabbil alamin.